الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Donc on continue l'explication et les commentaires du livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, un livre de l'imam ibn Qudam al-Maqdisi رحمه الله, et une explication de Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله تعالى. La semaine dernière on avait traité le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que la balance sera établie et que les actes des serviteurs seront pesés, et que cette balance est une balance réelle qui existera et qui sera composée ou dotée de deux plateaux. Également, les registres seront distribués, les registres dans lesquels les actes de chacun et chacune sont inscrits par les anges qui ont pour fonction d'enregistrer et de transcrire l'ensemble des faits et gestes et paroles de chaque être humain. ثم قال المؤلف رحمه الله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة. Et notre prophète صلى الله عليه وسلم est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin le jour du jugement. Awalan mimma yajibu al-iman bih al-hawd alladhi lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wal-hawd majma'u al-ma' fayakunu li-nabiyyina alayhi salatu wa salam hawd mamlu'un bil-ma' al-'azb يكسب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل وأنيته أكثر من عدد نجوم السماء من يشرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا وذلك أن الناس يعطشون في المحشر ويحتاجون إلى الماء فترد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حوضه فيشربون وهم أهل الإيمان الصحيح أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا على حوضه يذادون عنه ويمنعون من وروده فيقول صلى الله عليه وسلم يا رب أصحابي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين حديث أخرجه البخاري ومسلم. Cheikh Fawzan, Hafidahullah, dit, et parmi les choses auxquelles il faut croire obligatoirement, c'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-hawd en arabe signifie un endroit dans lequel l'eau est rassemblée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura donc un bassin qui sera plein d'une eau délicieuse. Yaksibu fihi mizaban. Il sera alimenté par deux mizab. Comment on traduit mizab déjà? Gouttière. Ahsante. Il sera alimenté par deux gouttières. Son eau sera plus blanche que le lait. Son goût sera plus sucré que le miel. Et les récipients qui permettront de boire de celui-ci seront plus nombreux que le nombre d'étoiles présentes dans le ciel. Celui qui boira de ce bassin ne connaîtra plus jamais la soif. Et ceci, car les gens seront assoiffés. Ils seront assoiffés lors du rassemblement qui, comme on a vu, durera 50 000 ans et le soleil se rapprochera des têtes de chacun d'entre nous, ce qui fera que les gens auront une soif gigantesque. Ils auront donc besoin de boire. Ainsi, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ira boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce seront ceux qui auront la foi authentique. Quant aux hypocrites et quant à ceux qui ont changé et modifié la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils voudront boire de cette eau, ils seront assoiffés et voudront boire eux aussi du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils seront refoulés et il leur sera interdit de boire de ce bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: oh Allah, ce sont mes compagnons, mes compagnons. Il lui sera dit: tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. فهذا الحوض نؤمن به ونثبته كما جاء وصفه في الأحاديث. Il est donc obligatoire de croire en ce bassin et de croire également à la description que nous en a faite le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. Donc son eau, comme l'a dit l'imam al-Qudama, est plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel. يصب فيه الكوثر نهر من أرهار الجنة. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والمشهور أن المراد بالكوثر نهر من أرهار الجنة. يصب فيه حوضه يصب فيه حوضه صلى الله عليه يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم. وقيل الكوثر الخير الكثير ويدخل فيه النهر لأنه من الخير فهو تفسير عام. Également, il y a un fleuve qui se versera dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce fleuve est appelé Al-Kawthar, qui est un des fleuves, parmi les fleuves du paradis. Allah Azza wa Jalla a dit dans surat Al-Kawthar: Inna a'tainaka Al-Kawthar. Nous t'avons donné Al-Kawthar. Et ce qui est connu dans l'explication des savants sur le mot Al-Kawthar, c'est que c'est un fleuve parmi les fleuves du paradis qui se versera dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et l'autre explication de l'Kawthar, c'est le fait que l'Kawthar soit un bien abondant. Et entre dans ce bien abondant les fleuves, car les fleuves sont un bien également. C'est donc une explication plus générale du terme Al-Kawthar. À la Kulihal, dans les deux, où le fait de dire que c'est un bien abondant ne rejette pas le fait que c'est aussi un des fleuves du paradis. Wa abariquhu adad nujum as-samaa. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah a dit: et ces récipients sont au nombre des étoiles du ciel. Ces récipients, comme l'a dit sur le Fawzan, c'est-à-dire les verres ou les récipients qui seront utilisés pour boire de ce bassin. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. L'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit: celui qui boit de celui-ci, c'est-à-dire du bassin, celui qui boit une seule fois ne connaîtra plus jamais la soif. فإذا شرب ذهب عنه الظمأ ولا يعود إليه أبدا. Comme l'a dit Cheikh Fawzan, lorsque la personne boira de ce bassin, eh bien la soif ne reviendra plus à lui. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. Puis l'imam al-Qudam rahimahullah a dit: et le pont est vérité, le traversera les pieux et glisseront les pervers. Et glisseront les pervers. قال الشيخ الفوزان: كذلك من أعمال يوم القيامة وأهوالها الصراط والمرور عليه. والصراط هو القنطرة والجسر المضروب على متن جهنم يعبر عليه الناس كلهم ولا يحملهم عليه إلا أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعمالهم ومنهم من يمر كالفارس الجواد ومنهم من يمر كراكب الإبل ومنهم من يعدو عدوا على قدميه ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحذف زحفا كلما ضعفت الأعمال ضعف المرور ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم بأن تعجز أعماله عن حمله على الصراط فَيَقَعُوا فِي جَهَنَّمْ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Également, parmi les étapes et les épreuves du jour du jugement, et parmi ces tourments, le pont et sa traversée. Le pont qui est un pont établi au-dessus de l'enfer. Devront le traverser l'ensemble des gens, et ce qui leur permettra de le traverser, ou ce qui fera en sorte qu'ils pourront se poser dessus, sera leurs actes. Certains parmi eux le traverseront comme l'éclair, d'autres le traverseront comme la vitesse du vent. Et vous savez que la vitesse du vent n'est pas une vitesse fixe, mais c'est une vitesse variable. Le vent, il y a des vents forts, il y a des vents violents, il y a des vents doux. Et des personnes traverseront le pont à la vitesse du vent, et cette vitesse sera proportionnelle, bien sûr, à leurs bonnes œuvres. Certains traverseront comme un cavalier, ou à la vitesse d'un cavalier. Certains traverseront à la vitesse d'un chameau. Certains couriront, c'est-à-dire ils courront sur leurs pieds. D'autres marcheront, d'autres ramperont. Et plus les actes pieux sont faibles, et plus la vitesse est faible également. Et certains seront attrapés et jetés en enfer, car leurs actes ne leur permettront pas de se positionner sur le pont, et ils tomberont en enfer, wal'iyadu billah. وهذا كما في قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Par ton Seigneur, assurément nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite nous chargerons ou nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence déclarée et décrétée. Il n'y a donc personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Tout le monde, sans exception, traverseront ce pont, et bien sûr, seuls les croyants pourront arriver de l'autre côté de ce pont. قال الشيخ الفوزان وإن منكم هذا يشمل المؤمنين والكفار إلا واردها يعني جهنم وهذا الورود هو المرور على الصراط ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يتساقطون في النار والعياذ بالله. وإن منكم, c'est-à-dire chacun d'entre vous, comme a dit Cheikh Al-Fawzan, et ceci englobe les musulmans et les non-musulmans. Illa waridha, chacun d'entre vous passera, c'est-à-dire par l'enfer. Wa hada al-wurud, et ce passage, c'est la traversée du pont. Et Allah Azza wa Jalla dit, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Et nous y laisserons les injustes agenouillés, qui, après ou par la suite, seront jetés en enfer, wal'iyadu billah. ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Puis l'imam ibn Qudama رحمه الله dit, et le prophète, et notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم intercédera. الشفاعة في اللغة الوساطة بالخير, هذه هي الشفاعة, وقد تكون وساطة في الشر. كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ومن الشفاعة السيئة الشفاعة في الحدود في إسقاط الحدود، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشفاعة في الأصل. أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء، وذلك بأن يكرم الله بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له. L'intercession. L'intercession en arabe signifie un intermédiaire dans le bien. Un intermédiaire dans le bien. هذه هي الشفاعة. C'est le sens de l'intercession en arabe. Et celle-ci peut être un bien ou un mal. C'est-à-dire que celui qui va être un intermédiaire entre toi et une autre personne, soit elle va te permettre de faire un bien, ou soit elle va te permettre de faire un mal. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate An-Nisa, quiconque intercède d'une bonne intercession aura une part, c'est-à-dire de ce bien qu'il a permis d'accomplir. Donc pour traduire en entre langues, le piston, lorsqu'il pistonne pour quelque chose de bien, eh bien il aura une part de ce bien. Par contre, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession emportera une part de responsabilité. Pareil, celui qui intercède et qui est un intermédiaire pour qu'un mal soit accompli, pour arriver à un mal, eh bien, il aura une part de responsabilité. Et Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, donne un exemple de mauvaise intercession, comme le fait d'intercéder dans les sentences. Dans les sentences en islam, d'intercéder pour que telle ou telle personne, la sentence ne soit pas appliquée sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé lorsque l'un de ses compagnons radiallahu anhu a intercédé pour qu'une sentence soit levée sur une femme qui était riche et qui était noble au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: atashfa'u fi haddin min hududillah, intercèdes-tu sur une sentence parmi les sentences d'Allah? Pourquoi? Car ceci est une offense et ceci va à l'encontre du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que le prophète sallam a dit: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. C'est vrai que le prophète sallam a dit: je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, si Fatima volait, je lui couperais sa main. Si Fatima, qui était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était amenée à voler, je lui couperais sa main. Il n'y a donc pas de favoritisme en termes de sentence musulmane et islamique. C'est le sens d'intercéder dans la langue arabe. Quant à l'intercession qu'a cité ici l'imam Ibn Qudam rahimahullah, c'est bien sûr l'intercession qui aura lieu dans l'au-delà. Et cette intercession, c'est le fait d'invoquer. C'est le fait d'invoquer. Qu'une personne invoque. Qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il gracie une autre personne. Et l'intercession est acceptée lorsqu'Allah Azza wa Jal exauce cette demande et exauce cette invocation. وَالشَّفَاعَةُ تَكُونُ بِشَرْطَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى لِلشَّافِعِ وَبِرِضَاهُ عَنِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ. Et pour qu'une intercession soit accepté, ou pour qu'une intercession puisse avoir lieu, il faut que deux conditions soient réunies. Tout d'abord, l'autorisation d'Allah Azzawajal pour celui qui va intercéder. Cette personne qui va invoquer Allah Azzawajal en faveur d'une autre, eh bien cette personne, il faut qu'elle ait l'autorisation d'Allah Azzawajal de pouvoir intercéder. Car personne n'intercède sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que la personne pour qui on intercède fasse partie des gens du tawhid, fasse partie des personnes qui n'adorent qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien lui associer dans aucune de ses adorations. Pour cela que, parmi les conséquences directes du fait d'adorer autre qu'Allah et de lui vouer ou de vouer une adoration à autre que lui subhanahu wa ta'ala, une des conséquences directes, après bien sûr le fait, si la personne meurt dans cet état, de rester éternellement en enfer, c'est de ne pouvoir bénéficier de l'intercession de personne. C'est de ne pouvoir bénéficier d'aucune intercession. أما الكفار أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل شفاعته وواسطته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان. Quant aux non-musulmans, eh bien, aucune intercession ne sera acceptée le concernant. Comme Allah Azzawajal a dit, l'intercession des intercesseurs ne leur seront d'aucune utilité. C'est-à-dire pour les non-musulmans. L'intercession des intercesseurs ne leur seront d'aucune utilité. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Ghafir, le verset 18, les injustes, c'est-à-dire les non-musulmans, n'auront ni ami qui les aidera, ni intercesseur écouté. Ni intercesseur écouté, c'est-à-dire pour qui cette intercession sera acceptée. L'intercession est donc une faveur qui est réservée aux gens de la foi uniquement. Et cette intercession, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala envers certains de ses serviteurs par le fait qu'il exauce leurs invocations ou leur intercession vis-à-vis d'une autre personne à condition que celle-ci fasse partie des gens du tawhid. Al-shafa'atu thaniya min khasa'is an-nabi sallallahu alayhi wa sallam shafa'atuhu fi ahli al-jannati an yadkhulu al-jannah fa'awwal man yastaftihu bab al-jannah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة وتفتح لهم أبوابها بشفاعته صلى الله عليه وسلم. Il y a une autre intercession du prophète صلى الله عليه وسلم qui est propre à lui, c'est le fait d'intercéder en faveur des gens du paradis afin qu'ils y entrent. Car, comme vous l'avez entendu hier, le premier qui demandera à ce que les portes du paradis s'ouvrent sera le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ceci fait partie de ses intercessions, car on a vu que l'intercession, c'est le fait d'invoquer Allah azawajal en faveur de qui? D'autres personnes. Et ici, le prophète sallam va invoquer Allah afin que les portes du paradis s'ouvrent. Pourquoi? Car les gens du paradis iront voir le prophète sallam et lui auront demandé auparavant de lui ouvrir ou de faire en sorte de demander à Allah d'ouvrir les portes du paradis. Donc le prophète sallam va demander à Allah d'ouvrir les portes du paradis afin que les habitants du paradis puissent enfin y entrer. Et la première des communautés qui entrera sera bien sûr la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et l'intercession du prophète alayhi wa sallam sera acceptée, son invocation sera exaucée et les portes du paradis s'ouvriront grâce à cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa min ash-shafa'at al-khassah bih sallallahu alayhi wa sallam shafa'atuhu fi 'ammihi Abi Talib. هذه خاصة بالرسول لأن أبا طالب كافر مات على الكفر على ملة عبد المطلب وهي عبادة الأوثان ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه العذاب لا يشفع فيه بالخروج من النار لأن الكافر لا يمكن أن يخرج من النار لكن يشفع في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه فيكون في ضحضاح من نار أو يكون في أخمص قدميه جمرة من نار يغلي منها دماغه ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه مع أنه أهون أهل النار عذابا هذه شفاعة خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي طالب أما بقية الكفار فلا أحد يشفع فيهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. Et parmi les autres intercessions qui sont propres au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est l'intercession qu'il fera en faveur de son oncle Abu Talib. Car son oncle Abu Talib est mort mécréant, il est mort non musulman, il est mort dans la religion de Abu Talib, qui était une religion dans laquelle les statues et les idoles étaient vénérées et adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par les positions qu'il a prises vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il ait défendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre les complots et contre les manigances des polythéistes de Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera en sa faveur le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera en sa faveur, non pas pour qu'il soit épargné de l'enfer et pour qu'il en sorte, mais uniquement pour que son châtiment soit diminué et soit allégé. Pourquoi ? Car un non-musulman ne peut sortir de l'enfer. Un non-musulman est voué, qu'Allah nous en préserve, de rester éternellement en enfer. Et l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam est propre à lui et ne pourra en bénéficier que son oncle Abu Talib. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera en faveur de son oncle, eh bien son châtiment sera le fait que des braises seront posées sous ses pieds et son corps se mettra à chauffer au point que son cerveau bouillera de cette chaleur. Et il considérera qu'il fait partie, c'est-à-dire Abu Talib, il considérera, en étant châtié de cette façon, qu'il fait partie des gens de l'enfer qui ont le châtiment le plus douloureux, alors qu'il fait partie des gens de l'enfer qui ont le châtiment le moins douloureux. Ceci est donc une intercession qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à l'ensemble et propre à son oncle Abu Talib quant à l'ensemble des non-musulmans. Personne ne pourra intercéder en la faveur, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, l'intercession des intercesseurs ne leur seront d'aucune utilité. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء أن لا يدخلوا النار أو إذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجهم منها يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء ويشفع الصالحون فيشفع لهم بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بإخراجه من النار فيقبل الله شفاعته ويخرجه من النار وهذه الشفاعة في أهل الكبائر خاصة بأهل الإيمان. il y aura des intercessions communes, c'est-à-dire qui ne seront pas propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais des intercessions que pourront également faire les autres prophètes et envoyés d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les personnes vertueuses. Et cette intercession commune ou groupée concernera les gens qui auront commis les grands péchés. Des grands péchés qui seront une justification pour leur entrée en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons, ainsi que les prophètes et les vertueux intercéderont en faveur de ces pécheurs afin qu'ils n'entrent pas en enfer. Et s'ils y entrent et qu'ils y sont châtiés, alors ils intercéderont afin qu'ils en sortent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera, les prophètes intercéderont, les vertueux intercéderont, et leur intercession, comme on l'a vu, sera une invocation. Ils invoqueront Allah subhanahu wa ta'ala en toute humilité, avec recueillement. Ils invoqueront Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah azza wa jal fasse sortir ces pécheurs de l'enfer, et Allah azza wa jal acceptera cette intercession et les fera sortir de l'enfer. Et ceci est une intercession qui est propre à ceux qui ont commis des péchés, mais qui font partie des gens de la foi, c'est-à-dire qui sont dans l'enceinte de l'islam. Pour cela que un musulman ne restera pas éternellement en enfer. Un musulman, quels que soient les péchés qu'il a pu faire, soit Allah Azza wa Jalla lui pardonne, ou soit il ne lui pardonne pas. S'il ne lui pardonne pas, cela signifie qu'il devra être châtié en enfer un moment ou une durée qu'Allah Azza wa Jalla choisira et décidera, mais il ne restera pas éternellement en enfer. Il sortira un jour ou l'autre, et ce jour peut être proche comme lointain, car lorsque l'on parle de l'au-delà, l'on parle d'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de répit, matin, midi et soir, et ceci sans jamais connaître de fin. Il n'y aura jamais de fin. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde l'entrée dans son paradis, qui nous préserve du feu de l'enfer. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.